Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. On va parler avec de cheerleading. C'est un sport qui est en pleine ébullition aussi au cours des 10 dernières années. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui pratiquent le cheerleading. Et belle annonce hier à Saint-Félicien hier. On veut construire des installations pour favoriser le cheerleading de compétition. En ligne, celle qui est l'initiative du projet, c'est Marie-Ève Langlais. Bon matin, Marie-Ève. Bon matin. Marie-Ève, parle-moi un peu de ce projet-là. Dans le fond, nous, on a décidé de démarrer un club de cheerleading pour avoir des équipes compétitives pour compléter ce qui était déjà offert, dans le fond, à Saint-Félicien. Il y a déjà des équipes scolaires, donc les gens au primaire et au secondaire peuvent déjà pratiquer ce sport-là. C'était plus difficile là, une fois qu'il avait fini le secondaire et avant. Donc, nous, on ouvre le club pour permettre à ces personnes-là de pouvoir en faire aussi. OK. Il y a combien de jeunes filles qui pratiquent le cheerleading? Actuellement, à Saint-Félicien seulement, Saint-Félicien, Adoré, Saint-Prime, là, les environs, il y a 150 personnes qui pratiquent le cheerleading. OK, OK. Donc, si on parlait maintenant du côté, est-ce que vous êtes organisé avec la commission scolaire? Comment que... Il n'y a rien de réglé encore à ce niveau-là. C'est sûr que moi, c'est moi qui entraîne les équipes de la polyvalente à Saint-Félicien, donc on a une bonne collaboration. Puis, il va y avoir un partenariat à ce niveau-là, mais officiellement, ils ne font pas partie du projet pour l'instant. OK, OK. Dis-moi maintenant, évidemment, c'est le but évidemment de ça, c'est vraiment de compétitionner. Est-ce que vous allez dans des compétitions civiles, des compétitions scolaires? Ben là, c'est sûr que ce n'est pas encore organisé, mais est-ce que vous visez les deux organisations? Non, dans le fond, là, les établissements scolaires sont déjà... aptes de s'occuper de leurs propres équipes. Si jamais ça venait à se terminer, nous, on pourrait prendre en charge ces équipes-là. Mais pour l'instant, on leur laisse, dans le fond, les équipes scolaires. Puis nous, on va vraiment prendre en charge ce qui est plus au niveau du civil. Donc, on va participer à des compétitions civiles, dont celle à Niagara Falls, dans le fond, là, les championnats canadiens pour l'an prochain. OK, OK. Puis ça coûte de plus en plus cher, parce que je connais des gens j'ai la fille de ma cousine qui est une passionnée de cheerleading, écoute, Niagara Falls, c'est pas donné, elle est là. Ça coûte beaucoup de sous. OK. Est-ce qu'il va y avoir des campagnes de financement? Comment ça va marcher du côté du financement là-dessus, là? Oui, on va en avoir, dans le fond, là, tout au long de l'année, on va faire des campagnes de financement, on va avoir un souper spaghetti, on va avoir, dans le fond, on va peut-être faire un mini-spectacle, on va en avoir plusieurs, dans le fond, au courant de l'année pour essayer de se financer, parce qu'on veut pas non plus charger trop cher aux jeunes comme prix d'inscription, on veut que ça reste raisonnable et abordable pour tout le monde. Donc, on essaye de compenser un peu, là, on va peut-être faire des demandes de commandites auprès des organisations à Saint-Félicien et aux alentours. OK, OK, OK. L'objectif est de combien? Je veux dire l'objectif au niveau des jeunes. J'imagine qu'il va y avoir du recrutement également à faire à travers les écoles, à travers pour recruter les jeunes filles. Est-ce que vous avez un objectif particulier là-dessus? Pour l'an prochain, on prévoit avoir une soixantaine d'athlètes dans le club. Okay. Évidemment, plus on va en avoir les années suivantes, mieux ça va être. Mm. On veut pas commencer trop gros non plus. On veut se limiter à un certain nombre d'équipes, mais des équipes qui fonctionnent bien pour l'an prochain. Okay. Puis par la suite, là, on va répondre à la demande. Donc, si jamais il y a plus de gens qui veulent en faire, on va faire plus d'équipes. OK, OK. Ben, Marie, belle initiative. Ça va commencer, j'imagine, en septembre, c'est ça? En fait, on a une session d'été qui débute le 27 juin. Donc, pour ça, c'est offert là même pour les personnes qui voudraient pas faire partie de nos équipes compétitives, mais qui font du cheerleading scolaire puis qui aimeraient ça continuer ou s'améliorer pendant l'été. Donc, il y a une session d'été qui est offerte. Les renseignements sont tous disponibles sur notre site web www.paradoxe-elite.com. Et sinon, les équipes compétitives, ça va en effet débuter en septembre. OK. Ben, Marie-Ève Langlais, un gros... On va avoir aussi... Oui, un gros... on va avoir quoi? Dans le fond, pour les jeunes de 1 à 5 ans, on va offrir des cours d'initiation acrobatique. ça a débuté en septembre aussi. Donc, c'est pour pratiquer la motricité globale des jeunes. Ils vont faire des roulades, ils vont se promener, faire des parcours. Et on va avoir des cours de ninja pour les 4-5 ans. Okay. Donc, ça, c'est en lien avec le cheerleading. C'est pour les préparer aussi pour plus tard ou tout simplement pour faire une activité pour s'amuser. Mais ça va être offert à partir de septembre pour les 1 à 5 ans. OK. Ben merci beaucoup. Puis on se reparle, Marie-Ève. Gêne t'as pas, on est là pour ça, nous, à danradiosport.com. Donner de la visibilité à des organismes que les autres médias ne touchent pas. Fait que Gêne t'as pas, on est là pour ça. Parfait, je vous remercie beaucoup. Marie-Ève Langlais, qui est la coordonnatrice d'un nouveau projet de cheerleading à Saint-Félix.